petit garçon comme Charlie, à qui jamais rien ne réussit. Ça se casse la figure à tous les coins de la vie. Dieu, que la vie est dure pour Charlie. Mais ce petit garçon qu'est Charlie, qui ne récolte jamais que des ennuis, qui les prend pourtant avec philosophie. C'est l'image d'un enfant d'aujourd'hui. Moi-même j'étais comme Charlie, semblable à Charlie Brown. Je grimpais à la corde de mon cerf-volant afin de mieux voir le firmament. Mais voici que la corde casse et Charlie, seul dans l'herbe de la prairie, encore un peu plus triste que tout à l'heure, retient les larmes de Charlie.